إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on continue la lecture et la traduction du tafsir de Cheikh Abdurrahman ibn Nasser ibn Sa'di rahimahullah. La semaine dernière, on avait terminé l'exégèse de Sourate At-Tur. Aujourd'hui, on continue et on commence l'explication et l'exégèse de Sourate Al-Dhariyat. Salam. قال الله تعالى والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. Donc Allah عز وجل dit dans sourate al-Dhariyat, selon le sens, sourate al-Dhariyat qui est traduit par ceux qui éparpillent, dans les versets 1 à 6, par les vents qui éparpillent, par les porteurs de fardeaux, par les glisseurs agiles, par les distributeurs, et on verra qui sont les distributeurs, selon un commandement, c'est-à-dire d'Allah Azza wa Jal. Ce qui vous est promis est certainement vrai, et la rétribution arrivera inévitablement. Et la rétribution arrivera inévitablement. قال الشيخ السعدي رحمه الله تفسير سورة الذاريات وهي مكية. L'explication de سورة الذاريات qui est une sourate mécoise. هذا قسم من الله الصادق في قيله بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله فيها من المصالح والمنافع ما جعل على أن وعده صدق وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا محالة ما له من دافع. فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليه وأقام الأدلة والبراهين عليه فلما يكذب به المكذبون ويعرض عن العمل له العاملون. Il dit, rahimahullah, que ceci est un serment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal qui est véridique dans tout ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a juré par ses créatures immenses, et l'on verra qui sont et quelles sont ces créatures. Allah azza wa jal a juré par ses créatures immenses, des créatures dans lesquelles il y a énormément de bienfaits pour les créatures. Allah Azza wa Jal a juré par ces immenses créatures pour prouver que sa promesse est vérité, que la promesse d'Allah Azza wa Jal est vérité, et que le jour de la rétribution, le jour du jugement, le jour où chacun sera jugé selon ses actes, aura bel et bien lieu sans aucun doute. Et nul ne saura repousser ce jour, alors que le véridique, l'immense, subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, qui jure par ses créatures immenses et qui prouve et qui amène et qui apporte les preuves que sa promesse est vérité et que le jour du jugement arrivera, pourquoi alors certains traitent de mensonges le jour du jugement et pourquoi se détournent des œuvres pieuses ceux qui œuvrent. والمراد بالذاريات هي الرياح التي تذر في هبوبها ذروى بلينها ولطفها وقوتها وإزعاجها والحاملات والحامل فالحاملات وقرا السحاب تحمل الماء الكثير الذي ينفع الله به البلاد والعباد فالجاريات يسرى النجوم التي تجري على وجه اليسر والسهولة فتتزين بها السماوات ويهتدي بها في ظلمات ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر وينتفع بالاعتبار بها فالمقسمات أمرا الملائكة التي تقسم الأمر وتدبره بإذن الله فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا وأمور الآخرة لا يتعدى ما قدر له وما حد ورسم ولا ينقص منه في الجي رحمه الله Et ce qui est voulu par Az-Zariyat, ce sont les vents qui éparpillent lorsqu'ils soufflent. Les vents qui éparpillent ce qu'il y a à la surface de la terre. Cela peut être du sable, de la poussière ou autre. Ce vent éparpille ce qu'il y a dans la terre, un vent doux et à la fois fort, car si le vent était violent, les choses ne s'éparpilleraient pas, mais elles se détruiraient. Ici, Allah Azza wa Jal jure par le vent qui éparpille, c'est-à-dire qui est doux. Donc là, on est plus dans le cadre de la brise que des vents violents. فَالْحَمِلَاتِ وِقْرَى Par les porteurs de fardeaux. Les porteurs de fardeaux, ce sont ici les nuages. Les nuages qui portent une quantité énorme d'eau. Et l'eau est-elle légère ou lourde ? Non, lorsque l'on voit les quantités de pluie qui tombent, ces pluies, elles ont été portées par qui ? Par les nuages. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرَى Par les porteurs de fardeaux. Ici, ce sont les nuages qui portent une immense quantité d'eau, une eau à travers laquelle Allah Azza wa Jal fait bénéficier et apporte du bien à la fois au pays et aux serviteurs. فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَى Par les glisseurs agiles. Il dit, rahimahullah, ce sont les étoiles qui se déplacent de façon simple et aisée dans le ciel. Et ainsi, elles embellissent les cieux et elles sont un moyen d'orientation dans les ténèbres et elles permettent de s'orienter que la personne soit sur terre comme en mer. Et d'autres savants ont dit que Al-Jariyat Yusra, d'autres Mufassirines ont dit, et beaucoup de Mufassirines d'ailleurs ont dit, que Al-Jariyat Yusra, ce sont les navires qui naviguent sur la mer. Un bateau qui navigue, est-ce qu'il navigue de façon simple ou de façon difficile ? Emporté par les vents ? De façon simple et de façon aisée. Un bateau avance, lorsqu'il y a du vent, il avance de façon très simple, il n'y a pas d'obstacle qui l'empêche d'avancer. Il n'y a pas d'obstacle car l'eau est un élément fluide. فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرَى Par les distributeurs selon un commandement. Ici, ce sont les anges qui distribuent et gèrent ce qu'Allah Azza wa Jal leur a donné comme ou ce qu'Allah Azza wa Jal a mis sous leur responsabilité. Chaque ange, Allah Azza wa Jal, lui a donné un sujet ou un commandement relatif à une chose mondaine ou à une chose relative à l'au-delà. Ainsi, il y a les anges qui s'occupent des montagnes, d'autres anges qui s'occupent de la pluie, et ainsi de suite. Et concernant l'au-delà, il y a les anges, notamment Israfil, qui a pour fonction de souffler dans la trompe. Et il ne fait que ça. Jibril alayhi salam, qui a pour fonction de transmettre la révélation d'Allah aux prophètes et messagers d'Allah, azza wa jalla. Et ainsi de suite, chaque ange distribue ce qu'Allah azza wa jalla lui ordonne et lui commande de distribuer selon un commandement, c'est-à-dire selon un commandement bien précis de la part d'Allah Azza wa Jal, et ses anges exécutent scrupuleusement ce qu'Allah Azza wa Jal leur demande de faire sans y ajouter quoi que ce soit et sans y diminuer également quoi que ce soit. ثم قال تعالى والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. Il dit subhanahu wa ta'ala dans les versets 7 à 9, selon le sens, par le ciel aux voies parfaitement tracées, certes, vous divergez sur ce que vous dites, c'est-à-dire à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et détournez de lui, c'est-à-dire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quiconque a été détourné de la foi. Et détournez de lui, quiconque a été détourné de la foi. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أي والسماء ذات الطرائق الحسنة التي تشبه حبك الرمال ومياه الغدران حين يحركها النسيم إنكم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم لفي قول مختلف منكم من يقول ساحر ومنكم من يقول كاهن ومنكم من يقول مجنون إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهم وأن ما هم عليه باطل يؤفك عنه من أفك أي يصرف عنه من صرف عن الإيمان وانصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية وبراهينه واختلاف قولهم دليل على فساده وبطلانه كما أن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم متفق يصدق بعضه بعضا لا تناقض فيه ولا اختلاف وذلك دليل على صحته وأنه من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Il dit, rahimahullah, en expliquant ces versets 7 à 9 de Sourate al-Dhariyat. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal jure par les ciels aux voies parfaites, aux voies qui ressemblent aux voies présentes dans le sable et dans les lacs lorsque ceux-ci sont touché par la brise. Que veut dire cette parole de Cheikh Saadi? Was-sama'i dhati al-hubuk. Al-hubuk, was-sama'i dhati al-hubuk, il y a deux explications des savants, des mufassirines à ce sujet. Certains ont dit was-sama'i dhati al-hubuk, par le ciel aux voies parfaites, c'est-à-dire que le ciel a été construit de façon parfaite. Il a été assemblé de façon parfaite et extrêmement belle. Et cela vient du mot hibak, qui veut dire, lorsque l'on parle d'un tissu, qu'il a été parfaitement tissé. Qu'il a été parfaitement tissé. Donc certains savants ont dit, wassama idat il hubuk, c'est-à-dire qui est parfaite et extrêmement belle. Des cieux qui sont parfaits et extrêmement beaux. D'autres ont dit, ce sont les cieux qui est composé de voies, de routes, de chemins. Des chemins que l'on ne voit pas, car ce sont des chemins lointains qui constituent la structure du ciel. Comme lorsque le vent traverse, lorsque la brise traverse le sable, dans le désert par exemple. On voit des traits sur le sable. Pareil, lorsque la brise passe au-dessus d'un lac. On voit les traces du vent à la surface de l'eau de ce lac. Donc, certains savants ont dit que, c'est-à-dire que le ciel est constitué de voies, de chemins parfaits. Et les deux sens se rassemblent, et c'est notamment ce que dit Cheikh Sa'di rahimahullah lorsqu'il dit « ذات الطرائق الحسنة » le ciel qui est doté de chemins et de routes parfaites, qui ressemblent aux routes tracées par la brise sur le sable ou à la surface d'un lac. Innakum ayyuhal mukadhibun. Vous divergez sur ce que vous dites, c'est-à-dire vous divergez, ô vous qui traitez de menteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous divergez, c'est-à-dire que certains parmi vous disent que Muhammad est un sorcier, d'autres parmi vous disent que Muhammad est un devin, d'autres parmi vous disent que Muhammad est un fou, et bien d'autres paroles qui sont différentes les unes des autres. Et ceci prouve qu'ils sont en réalité perdus. Et ceci prouve qu'en réalité, ils doutent. Ils doutent de la fausseté, soi-disant, du message de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et si cela prouve leur doute et le fait qu'ils sont dépassés et perdus dans tout cela, cela prouve qu'ils sont eux-mêmes dans le faux. Cela prouve qu'ils sont eux-mêmes dans le faux car leurs différentes paroles se contredisent les unes les autres. Lorsque l'on dit un tel est sorcier et un tel est fou, un sorcier n'est pas un fou. Un sorcier sait ce qu'il fait, un fou ne sait pas ce qu'il fait. Et ainsi de suite. Yu'faku anhu man ufik, est détourné de lui quiconque a été détourné de la foi, c'est-à-dire s'est éloigné et s'est détourné de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'est à la base détourné de la foi, celui dont la foi s'est détournée des preuves évidentes et claires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et leurs différentes paroles sont une preuve de leur fausseté, de la même façon que la vérité avec laquelle est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une vérité qui est unique. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam se contredisent-elles les unes les autres ou se confirment-elles les unes les autres? Elles se confirment les unes les autres. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont extrêmement nombreuses. Les paroles d'Allah Azza wa Jal dans le Coran sont extrêmement nombreuses. Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une seule parole qui viendrait contredire une autre? La réponse est non. Au contraire, les paroles viennent se confirmer les unes les autres. Et cela prouve que ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la vérité. Et que ce que disent ceux qui ont traité de menteurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leurs paroles qui sont autant diverses que contradictoires prouvent leur fausseté. Et il dit, rahimahullah, car cette vérité avec laquelle est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam provient d'Allah. Et Allah azza wa jal dit dans sourate An-Nisa le verset 82: "Walau kana min 'indi ghayrillah la wajadu fihi ikhtilafan kathira." Et s'il provenait, c'est-à-dire le Coran, d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. Ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. Et ainsi, on reconnaît la vérité du mensonge. Et lorsque des enquêteurs questionnent des personnes pendant 24 heures, 48 heures, 72 heures, à votre avis, c'est pourquoi? Une personne, lorsqu'elle a à dire ce qu'elle a à dire, elle peut le dire en une heure, deux heures. 3 heures, 4 heures, mais 72 heures. C'est pour lui poser à chaque fois les mêmes questions, dans des contextes différents, noter ses différentes réponses, et voir au final si son récit est cohérent ou s'il ne l'est pas. Et la personne a beau être habile, a beau être faire attention à ce qu'elle dit et préparer son scénario fictif, mais il viendra un moment ou un autre où une contradiction se révélera. Et ceci sera la preuve que tout ce qu'il raconte n'est que mensonge. Thumma qala ta'ala قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. الله عز وجل dit dans les versets 10 à 14 de sourate Al-Dhariyat: maudits soient les menteurs qui sont plongés dans l'insouciance. Ils demandent à quand le jour de la rétribution, le jour où ils seront éprouvés au feu. Goûtez à votre épreuve, voici ce que vous cherchiez à hâter. قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى قتل الخراسون أي قاتل الله الذين كذبوا على الله وجحدوا آياته وخاضوا بالباطل ليضحضوا به الحق الذين يقولون على الله ما لا يعلمون الذين هم في غمرة أي في لجة من الكفر والجهل والضلال ساهون يسألون على وجه الشك والتكذيب أيان يبعثون أي متى يبعثون مستبعدين لذلك فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم يومهم على النار يفتنون أي يعذبون بسبب من طووا عليه من خبث الباطن والظاهر ويقال لهم ذوقوا فتنتكم أي العذاب والنار الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاء الذي صيرهم إلى الكفر والضلال هذا العذاب الذي وصلتم إليه هو الذي كنتم به تستعجلون فالآن تمتعوا بأنواع العقاب والنكال والسلاسل والأغلال والسخط والوبال. Il dit, rahimahullah, en expliquant ces versets 10 à 14, Allah Azza wa Jal dit, قتل الخراسون, maudits soient les menteurs. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal extermine ceux qui mentent au sujet d'Allah Azza wa Jal, ceux qui renient ses signes, ceux qui pataugent dans le faux afin de contredire la vérité, ceux qui disent au sujet d'Allah ce qu'ils ne savent pas. Alladhina hum fi ghamrah, qui sont plongés dans l'insouciance, qui sont plongés dans les profondeurs de la mécréance, de l'ignorance et de l'égarement, en étant insouciants. Yas'aluna, ils demandent, et ceci dans le but de semer le doute et dans le but de traiter de mensonge, ils disent « Ayyana yub'athoun » « Quand est-ce que nous serons ressuscités ?» Ils disent cela non pas pour poser une question réelle et sincère, mais ils disent cela dans le but de dénigrer. Et ils disent cela dans le sens qu'ils ne croient pas en la résurrection. Mustab'idin al-idhalik, ils sont certains que cela n'aura absolument pas lieu. Quand est-ce qu'ils seront ressuscités? Ils disent cela, bien sûr, en n'y croyant pas. Ne demande pas quelle sera leur situation et quelle sera leur destination. Yaumahum ala an-nar yuftanun. Le jour où ils seront éprouvés au feu, c'est-à-dire le jour où ils seront châtiés dans le feu de l'enfer à cause de ce qu'ils ont accumulé comme mauvaise chose à la fois dans leur intérieur comme dans ce qui apparaissait d'eux. Et il leur sera dit « Dhuqu fitnatakum » goûtez à votre épreuve, c'est-à-dire goûtez au châtiment et au feu de l'enfer. Le feu de l'enfer qui est le résultat de leurs épreuves. Les épreuves qui leur ont été infligées et qui a fait en sorte qu'ils soient plongés dans la mécréance et dans l'égarement. هذا العذاب, voici, c'est-à-dire ce châtiment auquel vous êtes arrivé, الذي كنتم به تستعجلون, voici ce que vous cherchiez à hâter. Vous qui disiez dans cette vie d'ici-bas, où est ce châtiment de votre Seigneur? Où est-il qu'il s'abatte sur nous si vous êtes des véridiques? Qu'il s'abatte sur nous si vous êtes des véridiques. Et le jour du jugement, lorsqu'ils seront dans les supplices de l'enfer, lorsqu'ils subiront le châtiment, il leur sera dit « هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ » Voilà ce que vous cherchiez à hâter. Maintenant, profitez de ces différentes formes de supplices et de châtiments. Maintenant, subissez le châtiment des chaînes et des carcans et subissez le courroux et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Il dit عز وجل dans les versets 15 à 19: En vérité, les pieux seront dans des jardins et parmi des sources, recevant ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils ont été auparavant des bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Et dans leurs biens, il y avait un droit aux mendiants et aux mahrums. قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى في ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التي أوصلتهم إلى ذلك الجزاء إن المتقين أي الذين كانت التقوى شعارهم وطاعة الله دثارهم في جنات مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه التي يوجد لها نظير في الدنيا والتي لا يوجد لها نظير مما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تستمع الآذان ولم يخطر على قلوب العباد وعيون سارحة تشرب منها البساتين وتشرب ويشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا آخذين ما آتاهم ربهم يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم من جميع أصناف النعيم فأخذوا ذلك راضين به قد قرت به أعينهم وفرحت به نفوسهم ولم يطلبوا منه بدلا ولا يبغون عنه حولا وكل قد ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد ويحتمل أن هذا وصف المتقين في الدنيا وأنهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي أي قد تلقوها بالرحب وانشراح الصدر منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوه ولما نهى عنه بالانزجار عنه لله على أكمل وجه فإن الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي حقها أن تتلقى بالشكر لله عليها والانقياد والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام لأنه ذكر وصفهم في الدنيا وأعمالهم. نعم. Il dit رحمه الله. Allah عز وجل dit en citant la récompense des pieux ainsi que leurs œuvres qui les ont amenés à bénéficier de ces récompenses de la part d'Allah عز وجل. إن المتقين, les pieux, c'est-à-dire ceux dont la piété était leur shi'ar et l'obéissance leur dithar. Qu'est-ce que le shi'ar et qu'est-ce que le dithar? Le shi'ar, ce sont les vêtements cachés, les sous-vêtements. Et le dithar, ce sont les vêtements apparents. Donc ici, Cheikh Saadi dit que la piété était ce qui les caractérisait dans leur intérieur. Et l'obéissance à Allah Azzawajal est ce qui les caractérisait extérieurement. Les pieux seront dans des jardins qui comportent l'ensemble des formes et des catégories d'arbres, l'ensemble des sortes d'arbres et de fruits, que ce soit des arbres et des fruits qui sont présents dans cette vie d'ici-bas et des arbres et des fruits qui ne sont pas présents dans cette vie d'ici-bas. Il y aura là-bas ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur humain n'a pu imaginer. Wa'uyun, ils seront dans des jardins et des sources qui coulent, des sources qui arroseront les jardins du paradis, des sources dont boiront les serviteurs d'Allah Azzawajal, et ils les feront jaillir en abondance. Akhidhina ma atahum rabbuhum, recevant ce que leur Seigneur leur a donné. Donc ils seront au paradis, dans des jardins et des sources, recevant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Al-Sheikh Sa'di rahimahullah dit, il est possible que le sens est que les gens du paradis, Allah azawajal leur donnera tout ce qu'ils espèrent et tout ce qu'ils souhaitent. Et ceci englobe l'ensemble des bienfaits, toutes catégories confondues. Ils prennent donc ce qu'Allah azawajal leur a donné en étant satisfaits de ce que leur Seigneur leur a accordé. Leurs yeux sont réjouis, leurs cœurs sont joyeux et ils ne demandent pas autre chose, sans désirer aucun changement. Ils ne veulent pas que leur situation change. Ils ont absolument tout ce qu'ils désirent et tout ce qu'ils espèrent. Ils reçoivent des bienfaits tels que ils ne savent plus quoi demander. Et il est possible que l'autre sens de ce verset est que ceci est ce qui caractérise les pieux dans la vie d'ici-bas. C'est-à-dire que les pieux prennent et reçoivent ce que leur Seigneur leur a donné. C'est-à-dire ce que leur Seigneur leur a donné comme commandement et interdit. Ils acceptent les commandements d'Allah Azzawajal, la poitrine ouverte. Ils se soumettent aux ordres d'Allah et les mettent en pratique. Et ils s'éloignent des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils considèrent que Allah azawajal qui leur a donné des ordres et des interdits, que ceci est une chose immense qui leur a été accordée et qui mérite reconnaissance à Allah azawajal. Et Cheikh Sa'di rahimahullah dit « Wal ma'na al-awwalu al-saqu bi siyaq al-kalam » Et le premier sens est celui qui correspond le mieux au contexte de ces versets. Car Allah azawajal a cité leurs caractéristiques dans cette vie d'ici-bas et Allah azawajal a cité leurs actes également dans cette vie d'ici-bas. Donc le premier sens est qu'ils reçoivent ce que leur Seigneur leur donne au paradis. Ils reçoivent toutes les formes de bienfaits. L'autre sens est que ces pieux recevaient dans cette vie d'ici-bas ce qu'Allah azawajal leur a donné comme commandement et interdiction. Les commandements, ils les mettaient en pratique et les interdictions, ils les évitaient. Et Cheikh Sa'di dit que le premier sens est celui qui correspond le mieux au contexte des versets. والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام لأنه ذكر وصفهم في الدنيا وأعمالهم بقوله إنهم كانوا قبل ذلك الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم محسنين وهذا شامل لإحسانهم بعبادة ربهم بأن يعبدوه كأنهم يرونه فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم وللإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من مال أو علم أو جاه أو نصيحة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك من وجوه الإحسان وطرق الخيرات حتى إنه يدخل في ذلك الإحسان بالقول والكلام اللين والإحسان إلى المماليك والبهائم المملوكة وغير المملوكة ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسان. ولهذا قال: كانوا أي المحسنون قليلا من الليل ما يهجعون، أي كان هجوعهم أي نومهم بالليل قليلا. وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع، وبالأسحار أي وبالأسحار التي هي قبيل الفجر هم يستغفرون الله، فمدوا صلاتهم إلى السحر، ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب لذنبه. وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره، كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: والمستغفرين بالأسحار. وفي أموالهم حق واجب ومستحب للسائل والمحروم، أي للمحتاجين الذين يطلبون من الناس والذين لا يطلبون منهم. بيلجي رحمه الله que le premier sens est celui qui correspond le mieux au contexte. Car Allah Azzawajal a cité les caractéristiques de ces pieux et leurs œuvres dans cette vie d'ici-bas lorsqu'il dit « Innahum kanu qabla dhalik ». Ils ont été auparavant. Ils ont été auparavant, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas. Ils étaient auparavant, c'est-à-dire avant de bénéficier des bienfaits dont ils jouissent au paradis. Ils étaient bienfaisants. Et cette bienfaisance englobe la bienfaisance dans leur adoration à Allah Azza wa Jal. Et la bienfaisance dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est d'adorer Allah comme si on le voyait. Mais si, même si on ne le voit pas, lui, il nous voit. Et cela englobe également la bienfaisance de ces pieux envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, envers les serviteurs d'Allah azza wa jal, en leur apportant du bien, en étant utile pour les serviteurs d'Allah, en étant bienfaisant à leur égard. Et la bienfaisance peut se faire à travers de l'argent que tu donnes ou que tu prêtes, à travers de la science que tu enseignes, à travers un service que tu rends de par ton statut, à travers un conseil que tu diriges aux serviteurs d'Allah, en ordonnant un bien, en interdisant un mal, et bien d'autres formes qui font partie des formes de bienfaisance. Entre également dans cela la bienfaisance dans la parole, le fait de parler convenablement et de façon douce, le fait d'être bienfaisant envers les esclaves, d'être bienfaisant envers les animaux que l'on possède comme les animaux que l'on ne possède pas. Et parmi les meilleures formes de bienfaisance dans l'adoration du Créateur, il y a la prière nocturne. Une prière qui prouve la sincérité et qui prouve la concordance entre le cœur et la parole, entre le cœur et la langue. Car beaucoup disent ce qu'ils ne font pas. Et le fait de prier la nuit prouve que ton cœur est en adéquation avec ta langue. Car lorsque tu pries la nuit, qui est au courant de ta prière nocturne? Allah Azza wa Jal. Les gens dorment. C'est pour ça que le prophète Hassan a dit: Afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil-layli wan nasu niyam. Diffusez le salam entre vous, donnez à manger à celui qui en a besoin et priez la nuit lorsque les gens dorment. Il dit Azza wa Jal, c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit kanu, ils étaient, c'est-à-dire les bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit. C'est-à-dire que leur sommeil durant la nuit était en petite quantité. La majeure partie de la nuit, ils la passaient à adorer leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ils adoraient leur Seigneur soit en accomplissant les prières, ou bien en lisant, ou bien en évoquant Allah Azza wa Jal, ou bien en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala et en s'humiliant devant lui Azza wa Jal. Wabil ashari, et aux dernières heures de la nuit, les heures qui précèdent le fajr, l'aube, hum yastaghfirun, ils demandent le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ils prolongent leur prière jusqu'aux heures qui précèdent l'aube. Puis, ils s'assiedent après avoir accompli leur prière nocturne en demandant le pardon d'Allah Azza wa Jal. Ils demandent le pardon comme celui qui a péché demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la demande de pardon à cette heure bien précise, c'est-à-dire avant l'aube, a un énorme mérite. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a caractérisé les gens de la foi et ceux qui lui obéissent, subhanahu wa ta'ala, en disant « wal mustaghfirin bil ashar » et ceux qui demandent le pardon dans les heures qui précèdent l'aube. Dans Sourate Ali Imran, le verset 17. Puis Allah Azza wa Jal dit « wa fi amwalihim haqq » et dans leur bien, il y a un droit. Dans le bien de ces pieux, il y a un droit. Et ici, ce droit concerne la zakat. Et Cheikh Saadi dit « wajibun wa mustahab » et ce droit se divise en deux. Il y a le droit obligatoire et il y a le droit surérogatoire et recommandé. Le droit obligatoire qui est la zakat. La zakat que l'on doit donner sur nos biens ou sur notre argent ou sur nos biens comme le bétail ou les cultures, etc. Et les droits recommandés qui est de donner des aumônes surérogatoires. Ceci également entre dans ce verset. Et dans leur bien, il y a un droit pour qui ? Les sa'ili wal mahroum. Sa'il, c'est le mendiant. Et al mahroum, c'est celui qui est dans le besoin, mais qui ne demande pas. Celui qui est dans le besoin, mais qui ne demande pas. Pour cela que Cheikh Saadi dit, c'est-à-dire qu'il y a dans leur bien un droit pour ceux qui sont dans le besoin et qui demandent aux gens, comme ceux qui sont dans le besoin mais qui ne demandent pas aux gens. Thumma qala ta'ala wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Il dit Azza wa Jal dans les versets 20 à 23 de sourate Al-Dhariyat. Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas, et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis par le Seigneur du ciel et de la terre. Ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parlez. يقول الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى داعيا عباده إلى التفكر والاعتبار وفي الأرض آيات للموقنين وذلك شامل لنفس الأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات تدل المتفكر فيها والمتأمل لمعانيها على عظمة خالقها وسعة سلطانه وعميم إحسانه وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن وكذلك في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على أن الله وحده الأحد الفرد الصمد وأنه لم يخلق الخلق سدى وقوله وفي السماء رزقكم أي مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار والرزق الديني والدنيوي وما توعدون من الجزاء في الدنيا والآخرة فإنه ينزل من عند الله كسائر الأقدار فلما بين الآيات ونبه عليها تنبيها ينتبه به الذكي اللبيب، أقسم تعالى على أن وعده وجزاءه حق، وشبه ذلك بأظهر الأشياء لنا وهو النطق، فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فكما لا تشكون في نطقكم فكذلك لا ينبغي الشك في البعث بعد الموت. Il dit rahimahullah, Allah Azza wa Jal dit, en appelant ses serviteurs à méditer et à observer, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude. Et ceci englobe la terre en elle-même et tout ce qu'elle contient, comme montagne, comme océan, comme fleuve, comme arbre, comme plante, qui prouve celui qui médite dans toutes ces créatures. Cela prouve l'immensité de leur créateur et l'étendue de son pouvoir, ainsi que l'étendue de sa bienfaisance, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance de toute chose apparente soit-elle ou cachée. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, wa fi anfusikum afala tubsirun, également dans le serviteur lui-même, il y a des sagesses, des morales, des leçons, ainsi que de la miséricorde, qui prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul, l'unique, et qu'il n'a absolument pas créé les créatures en vain. Et dans cette parole, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, et en vous-même, ne voyez-vous pas, ce verset, on peut en faire plusieurs conférences. Pas une seule, plusieurs conférences. Ce que le corps humain renferme comme grandeur de la création d'Allah Azza wa Jal, comme signe d'Allah Azza wa Jal, comme perfection, comme secrets qui jusqu'à nos jours ne sont pas connus, est une preuve de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous parlez avec des médecins qui vous parlent du fonctionnement du corps humain, des choses qui vous font réfléchir. Lorsque vous parlez avec un médecin qui vous dit que l'organe, par exemple le foie, est un organe exceptionnel. Le foie, on a tous un foie. Est-ce qu'on se rend compte du travail que fait notre foie? Oui ou non? Non. Est-ce qu'on ressent le travail de nos organes? Oui ou non? Est-ce que tu sens ton cœur battre? Est-ce que tu sens ton estomac broyer la nourriture? Est-ce que tu sens tes reins filtrer ton sang? Est-ce que tu sens... Non. Ça, en soi, c'est déjà un signe. Le fait que tu es constitué de centaines d'organes, mais que tu ne ressens rien. Quand est-ce que tu vas connaître l'importance du foie? Quand tu seras malade du foie. La qaddar Allah. Qu'Allah n'écrive cela à personne. Mais lorsque un médecin vous dit que le foie a une fonction, que si l'on devait remplacer le foie, il faudrait une machine de 36 étages. Il faudrait une machine de 36 étages pour qu'elle puisse faire remplir la fonction d'un foie. Regardez ceux qui, malheureusement, et qu'Allah leur facilite dans cela, ont besoin de faire des dialyses. Parce que leurs reins ne fonctionnent plus. Regardez la taille de la machine. Leur sang doit sortir, rentrer dans la machine, et le sang doit être purifié et réinjecté dans le corps. Et prenez un rein. Regardez la taille des reins. Et comparez les reins avec ces énormes machines. Et ainsi de suite. Le cœur et les autres organes, et certains organes qui sont même irremplaçables. Qui sont même irremplaçables, que ce soit par des prothèses ou même par des machines. À kulli hal, cette parole d'Allah Azza wa Jal, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, est un appel d'Allah Azza wa Jal qui est fort, qui nous demande de regarder nous-mêmes avant de regarder la création, de regarder la création d'Allah Azza wa Jal qui nous entoure, mais cela ne doit pas nous amener à oublier de méditer sur nous-mêmes, sur nos personnes et sur le corps humain ainsi que son fonctionnement. Et il y a dans le ciel votre subsistance, c'est-à-dire qu'il y a dans le ciel les matières qui sont l'origine de votre subsistance, à savoir la pluie. Car la pluie, c'est elle qui fait revivre la terre. La pluie, lorsqu'elle tombe, c'est elle qui permet à la terre de vivre et de sortir les fruits et les légumes. Et il y a également dans le ciel les différents commandements et décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans les cieux, il y a notre pourvoyance, que ce soit la pourvoyance religieuse ou la pourvoyance mondaine. وَمَا تُعَدُونَ, et ce qui vous a été promis. Ce qui vous a été promis également se trouve aux cieux, que parmi les récompenses de l'au-delà. Après qu'Allah Azza wa Jal ait cité les différents signes, et après qu'Allah Azza wa Jal nous ait alerté sur un certain nombre de ses créations, subhanahu wa ta'ala, des créations qui alertent et dont profitent de ce rappel ceux qui sont doués d'intelligence. Allah Azza wa Jal jure par la suite que sa promesse ainsi que sa rétribution et sa récompense sont vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a comparé cela par une chose qui est claire pour nous, par une chose qui nous est claire et que chaque personne peut facilement comprendre et assimiler, qui est le fait de parler. Allah Azza wa Jal dit, par le Seigneur du ciel et de la terre, ceci est tout aussi vrai. Ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parlez. C'est-à-dire que de la même façon que vous ne doutez pas que vous parlez, eh bien, ne doutez pas de la résurrection après la mort. Ne doutez pas de la résurrection après la mort. Lorsque tu parles, est-ce que tu doutes si tu as parlé ou non ? Tu es certain que tu as parlé. Là, je suis certain d'avoir parlé. Eh bien, je dois être aussi certain que Allah Azza wa Jal va nous ressusciter après notre mort.